بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في سورة المؤمنون تسمى بالمؤمنون الحكاية المؤمنون يعني سورة قد أفلح المؤمنون في المسألة الواحدة والعشرين بعد المئة صفت يجي مسألة في قوله تعالى قال ربي ارجعون المؤمنون verset 99 qui l'a dit qu'Allah عز وجل dit à propos justement du kafir, qu'il dit, Mon Seigneur, ramenez-moi. Qala, wa la yakhfa ma yasbiqu ila dhin fihi min rujoo' al-dhamir ila rabb wa al-dhamir bi sighat al-jam' wa rabb jalla wa ala wahid. Donc il dit maintenant dans ce verset-là que le fait qu'il dise irji'oun, le dhamir, le waw al-jama'a, que nous on traduit par, il n'y a pas de traduction, mais on dira ramenez-moi, c'est un pluriel. Alors que juste avant, on dit mon Seigneur. Et s'il vient en premier lieu à l'esprit, c'est qu'il dit ramenez-moi en parlant qui à mon Seigneur. Donc comment il parle à son Seigneur en singulier, et par la suite, il emploie un pluriel. Et donc il dit la réponse de trois façons. Al-awwalu huwa azharuha, an al-waw li ta'zim al-mukhatab, wa huwa Allah ta'ala kama fi qawl al-sha'ir. Ala farhamuni ya ilaha Muhammad. Fa'in lam akun ahlan fa'anta lahu ahlu. Donc il dit la première réponse, ce qui est la plus claire, tout simplement, ce waouh a été, c'est-à-dire ce côté pluriel, a été employé pour la magnificence, pour le ta'zim d'Allah Azawajal. D'accord? Par ta'zim d'Allah Azawajal. Et cela a été démontré également par un vers de poésie dans lequel, justement, cela a été cité. Qu'il dit Ne me ferez-vous pas miséricorde aux divinités de Mohammed. Donc il dit bien Farhamouni. Ou plutôt Faites-moi miséricorde aux divinités de Mohammed. On traduira plus comme ça. Faites-moi miséricorde. Donc il parle à Azawajel en employant une forme de pluriel. Qala, donc ça c'est la première réponse. Al-wajhu thani anna qawlahu rabbi isti'atha bihi ta'ala. Wa qawlahu irji'un khitab lil malaika. Deuxième réponse, c'est que lorsqu'il dit rabbi, il dit cela par en cherchant secours auprès d'Allah Azza wa Jal. Et que sa parole ramenez-moi, en fait, il parle au malaika. D'accord, il parle au malaika. قال ويستأنس لهذا الوجه بما ذكره ابن جرير عن ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة إذا عاين المؤمنون الملائكة قالوا نرجعك إلى الدار الدنيا فيقول إلى الدار الهموم والأحزان فيقول بل قدموني إلى الله وأما الكافر فيقولون له نرجعك فيقول ربي ارجعون. Et cela a été justement, cette parole-là, est affirmée par un hadith, selon Aïcha. Et je n'ai pas le... Il n'y a pas de tahrij ou tahrik par rapport à ce hadith. Que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit, lorsque le croyant verra les anges, c'est-à-dire les anges, après qu'ils soient morts, les anges lui diront, est-ce qu'on te ramène à la dunya? Il dira, me ramener vers la demeure des soucis et des tristesses. Il dit, mais plutôt, avancez-moi vers Allah. Quant au mécréant, il lui sera dit, nous te ramenons. Et il dira, mon Seigneur, ramenez-moi. Comme dans le verset, mon Seigneur, ramenez-moi. C'est-à-dire, mon Seigneur, istia'a satan billah, wa ji'un, ramenez-moi en parlant à qui? Au malaïka. Donc ça, c'était la deuxième réponse. Al-wajhu al-thalith wa huwa qawl al-mazini annahu jama'a adh-dhamir liyadulla ala takrar fa kaannahu qala rabbi irji'ni wa la yakhlu hadha al-qawl 'indi min bu'd wa al-'ilmu 'inda Allah. La troisième réponse, c'est celle qui a été citée par al-mazini, qui dit qu'en fait ce dhamir du waw jama'a, que nous on traduit par un pluriel, cela est une cause de répétition. Qu'en fait, c'est comme s'il disait, mon Seigneur, ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi, en répétant plusieurs fois. D'accord ? Donc plutôt que de réciter le verbe plusieurs fois, c'était remis une seule fois avec le demi-heure de pluriel. Et l'auteur dit que cela, bien évidemment, est une réponse qui est vraiment lointaine de la vérité pour lui. Et que les autres réponses sont bien, bien plus claires, bien évidemment. هذا هو الجواب عن هذه المسألة والعلم عند الله تعالى سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك